mon ex me déteste. Idem, les profs me détestent. Idem, les keufs me détestent aussi. Idem, les rappeurs veulent me test. Kigen, mon ex me déteste. Idem, les profs me détestent. Idem, les keufs me détestent aussi. Idem, les rappeurs veulent me test. Qui viennent dur à cuire, tu nous cuisines, on parle pas. Violence paternelle, pour ça que les guns de papa. Comme une bite, tout ce que je crache est profond. Je vais appeler ma fille Mélodie juste pour rester dans le son. Ni pareil de coke, prends le train de la matrice. Mourir pour une cause, partir en martyr, martyr. Moi mes punchlines retournent le cerveau. Sans laisser faire, j'ai déjà un réseau. Ouais, y'a peu de gens pour qui je peux d'être. Donne-moi tes poignées d'amour, j'ouvre les portes, la levrette. Absent quand ça discute, je suis distrait par mes rêves. Tiens un trait sur la chatte parce que la rue a trop de règles. Mon ex me déteste. Idem, les profs me détestent. Idem, les keufs me détestent aussi. Idem, les rappeurs veulent me test. Qui viennent, mon ex me déteste. Idem, les profs me détestent. Idem, les keufs me détestent aussi. Idem, les rappeurs veulent me test. Qui viennent, faut que je les prenne en fils, leurs buzz font de la peine. Pour me décapiter sur moi, ils se prennent la tête. Des fois je me demande frère, est-ce que le 9-3 c'est moi? Une balle dans la tête, les cadavres ont des trous de mémoire. On va te crosser si tu parles mal, poison lady. Mon succès porte un pare-balles, je ne rappelle d'ennemis. SOS Mayday, est-ce que les R je m'entends? Autant crever dans un braco que vivre en mendiant. Je te rappellerai si t'as l'esprit occupé. Cours pas après les meufs prises, tu vas t'électrocuter. Rap game leader, groupe de fans Twitter. Les pianistes pédophiles commencent en taux mineur. Mon ex me déteste. Idem, les profs me détestent. Idem, les keufs me détestent aussi. Idem, les rappeurs veulent me test. Qui viennent, mon ex me déteste. Idem, les profs me détestent. Idem, les keufs me détestent aussi. Idem, les rappeurs veulent me test. Qui viennent. Quand je dis que j'aime la relève, c'est de l'entertainment. Des nouveaux et des anciens, je t'en enterre tellement. Dites aux autres qu'on se rend pas, on est matrixé. C'est de la violence gratuite, le Samu vient s'en tiquer. Si ton gars parle à nous, faudra qu'il vienne s'expliquer. Tes concerts sont vides, tes vues sont trafiquées. On change de thème, on change de game. Tu veux qu'on se présente, baby, it's my name. Te mêle pas de nos affaires, tu laisseras quelques dents par terre. Les petits chez moi en CBR, on s'est déjà vu en garde à vue. Mais ils sont portés par la rue 93, oui c'est nous qu'on fredonne. Oui c'est nous les bonhommes. Mon ex me déteste. Idem, les profs me détestent. Idem, les keufs me détestent aussi. Idem, les rappeurs veulent me test. Qui viennent, mon ex me déteste. Idem, les profs me détestent. Idem, les keufs me détestent aussi. Idem, les rappeurs veulent me test.